savais te dire je t'aime. Aujourd'hui, je ne sais même plus te parler. Revivre sans rien dire, toutes ces joies et toutes ces peines. Recommencer sa vie sans pouvoir rien, rien y changer. Tu es parti trop vite, vers ces lendemains.